boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Avec les filles les moins fréquentables de la musique anglaise, américaine et même française, puisqu'à l'instant, on était avec Dolly. Ce soir donc, rock féminin, parce que le rock féminin, c'est pas juste ça. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you. C'était en 83, c'était les Belles Stars, c'était un peu le rock que j'écoutais à l'époque, donc rien d'extraordinaire. Mais il y avait aussi ça. I don't know what you're looking for. You haven't found it, baby, that's for sure. You rip me up, you spread me all. Manège avait une drôle de culture, hein. Les Belles Stars en 83, je saute sur les Carians en 98. Mais en fait, j'avais une bonne conscience parce qu'en 1980, j'écoutais une folle furieuse qui s'appelait Siouxsie and the Banshees, que j'adorais parce qu'en plus, de temps en temps, Siouxsie était accompagnée d'un dénommé Robert Smith. Là, on écoute maintenant Happy House. En 1980 avec l'étrange, l'inquiétante Siouxsie and the Banshees. Et puis un an plus tôt, on pouvait écouter une rockeuse qui me faisait flancher, pas que pour sa voix, pas que pour ses guitares, mais parce que je la trouvais super sexy. C'était une dénommée Pat Benatar. On l'a déjà écouté avec le morceau Heartbreaker. Kind of sinner to release my inner fantasy. handsome winner. You know that you were born to play. You're a don't you mess around me, you're a heartbreaker. Avec cette belle Pat Benatar. Faut la voir encore aujourd'hui dans des concerts d'il y a 5-6 ans, ça donne encore pas mal. Et là, on va enchaîner avec un truc écoutez, que j'ai pas vraiment connu quand c'est sorti. C'est du rock, c'est encore du rock féminin, c'est une fille qui est toujours là. Patti Smith, avec un morceau qu'elle avait coécrit, me semble-t-il, l'a vérifié avec Bruce Springsteen. Le morceau s'appelle Because the Night. Baby, here as I am, pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. The alone, love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust, here in my bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hand. Take my hand as the sun descends. They cannot you now. circle turns and burns without you. Oh, why can't I live? Forgive the yearning, burning. I believe it's time to feel, reveal. Touch me now, touch me now, touch me now. Hey, because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. 'Cause we believe in the night we're lovers. 'Cause we believe in the night we trust. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to love. We'll be right back. là, je les entends, hein, les belliqueux, les rabat-joie, les amoureux de NRJ et autres radioscoops qui vont nous dire « Ouais, dans Pop and Rock, sur RVR, ils sont restés coincés au 20e siècle. » Eh bien, ils ont bien raison et je vais leur mettre un dernier bon morceau du 20e siècle. Le groupe s'appelle Martin and the Muffins et le morceau s'appelle Echo Beach. Et puis après, vous allez voir, on va se réveiller parce qu'on va même venir tripoter les années 2000-2010 avec plein d'autres groupes féminins. Thank you. c'était bon ça, le Got You de Amiel and the Sniffers. On va découvrir maintenant ensemble The Donnas qui en 2002, après avoir écouté beaucoup de Ramones, de Motley Crue et autres AC/DC, nous offre l'énergie d'un morceau magnifique qui s'appelle Check It Off. I'm trying hard. Après The Donuts, on vient donc d'écouter Devil's Kin, parce que le rock américain c'est pas mal, le rock australien c'est très bien, mais c'est encore mieux d'aller chercher du rock un peu plus lointain, et notamment avec Devil's Kin, le groupe qu'on vient d'écouter à l'instant, un groupe estampillé New Zealand. Ça va? Pas trop dépaysé? Parce que si ça va pas, je vous mets un bon vieux Blondie. J'ai encore repris ma machine à voyager dans le temps pour remonter en 1978, pendant que le fameux Judge Moroder nous produisait un morceau extraordinaire, Call Me de Blondie. Ça apparaissait notamment dans un film qui s'appelait American Gigolo avec un dénommé Richard Gere. Vous connaissez, non? Bah ça y est, on vient de perdre les auditeurs de moins de 50 ans qui vont une nouvelle fois reprendre leurs mauvaises habitudes énergiesques. éclectique belge de ce groupe qui en 2011 nous proposait le morceau Delay. Ouais, des Belges qui chantent en anglais. Bah oui, il n'y a pas que les Français qui assument pas le rock français. Enfin, du moins la langue française dans le rock. On est donc bien dans la racine de pop and rock là, les mouvements pop, les mouvements rock qui se rejoignent avec le morceau suivant, Meg Myers, qu'on connaît déjà puisqu'on l'a écouté la semaine passée, avec un nouveau morceau, Desire. Quel est le point commun entre ABBA, Ace of Base, Roxette et Secret Service? Ouais, c'est tous des groupes de pop, allez, pas très très... Mais bon, quand même reconnu. Eh ben non, Leur point commun, c'est la Suède. La Suède comme la patrie d'origine du groupe suivant qui s'appelle Thunder Mother avec It's Just a Tease. Spécial fille, ben, il touche à sa fin et donc on va se quitter avec Elysian Field que vous connaissez déjà avec un morceau qu'on appelle Dispossessed. Et puis comme on a un petit peu de temps, je crois bien qu'on aura un petit extrait de celle qui est incontournable quand on parle rock féminin dans Pop and Rock, la fameuse PJ Harvey. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. just an idea.